Putain, je suis tchad, mec. Vas-y, passe un peu là. Passe un peu vite fait. J'ai gratté ce 16 sur un collage OCB. J'moque tranquille, t'as vu, j'suis pas du genre trop pressé. Donc laisse-moi l'air, l'air. Serre-moi un verre, frère. Viens, on se met bien. Brûle le tchouk par petit appel d'air. J'tire une taf. Je tire deux tapes et je fais tourner au row, ou encore mieux à quelques tasses. C'est sage, c'est sans tasse. Sans cocaïne, héroïne, ici c'est sans crack et ça change ab. Je me sers moi du rhum par contre, sans refus. Reboué, j'ai trop méfus. Avec ma four en foule et postu. Serre moi aussi de la vodka pour que je me réchauffe avec un peu de sky coca. Pour moi et mes sosies, pareil pour la butance. La vraie chadness, on chouk la weed de qualité que Jah blesse. Un nouvel hymne pour ceux qui se mettent des mines. De la tête au centre de rééducation, le veau sert jamais clean. Donc passe-moi le feu, passe-moi les masques. Ça passe la ya et la bœuf, faut que je sois un bien qu'on crame ça. C'est pour ceux qui se mettent tchad sans hésiter. Un son pour ceux qui savent, ceux qui davent lèvent leur briquet. Donc passe-moi le feu, passe-moi les masses. Ça passe la ya et la bœuf, faut que je sois un bien qu'on crame ça. Pour ceux qui se mettent tchad sans hésiter. Un son pour ceux qui savent, ceux qui davent lèvent leur briquet. Quand c'est la chienneté, ça tourne que sti. Et les pinces descendent au quartier, pécho des que sti. Merde, y'a plus de youf, y'a plus de bouffe. En mode ghetto youth, débrouillard, vu qu'on a plus de pouce, c'est ouf. Et franchement, il est en dead high, il est en dead die. Il est temps, j'ai un coup de flamme et la fumée progresse. Mais tout le hall blesse, tu le sens, j'ai un hymne pour la weed, pour ma clique sur la vie de mon joint. On arrive au point où faut brûler ça vite avant qu'il ne s'éteigne. Yo, m'amène et si les thèmes, c'est le sbire, le sbar. Fumer, boire pour qu'on atteigne le top. Ceux qui se moquent le savent, les savent viennent du Maroc, c'est toute l'Europe qui veut ça. Un nouvel hymne pour ceux qui se mettent des mines. De la tête au centre de rééducation, le veau sert jamais clean. Donc passe-moi le feu, passe-moi les masses. Passe la ya et la bœuf, faut que je sois un bien content. Ça. Pour ceux qui se mettent tchad sans hésiter. Un son pour ceux qui savent, ceux qui davent lèvent leur briquet. Donc passe-moi le feu, passe-moi les masses. Passe la ya et la bœuf, faut que je sois un bien qu'on crame ça. Pour ceux qui se mettent tchad sans hésiter. Un son pour ceux qui savent, ceux qui davent lèvent leur briquet. Dis-moi elle, t'as des masses? S'il te plaît. Tiens. Vas-y, envoie. Vas-y, merde, hein. Car les heures de boulot se tassent. Mon cerveau devient naze. Une détente, serre-moi la bonne aïe. Ainsi que ton faya pour que je sois d'ailleurs. Aïe, aïe, aïe, guette comment je m'applique. Est-ce que j'ai la trique? Quand je roule mon spliff, un spi me vient de cette fumée. Cali, toujours à ma portée, où que je sois. Dans les caves, dans les soirées, dans les squats, dans les squats, en train de rapper. Dans mes rêves, le cul d'une vive dardard avec un petit terre-terre pour me faire terre dans un autre air. Quel calvaire, tout d'un goût d'hier. Mais je trouve ça trop être fouère, donc laisse-moi partir dans mes délires. Passe-moi le feu, passe-moi les masses. Passe la ya et la bœuf, faut que je sois un bien qu'on crame ça. Pour ceux qui se mettent tchad sans hésiter. Un son pour ceux qui savent, ceux qui davent lèvent leur briquet. Donc passe-moi le feu, passe-moi les masses. Passe la ya et la bœuf, faut que je sois un bien qu'on crame ça. Pour ceux qui se mettent tchad sans hésiter. Un son pour ceux qui savent, ceux qui davent lèvent leur briquet. Passe-moi le feu, passe-moi les masses. Passe la ya et la bœuf, faut que je sois un bien qu'on crame ça. Pour ceux qui se mettent tchad sans hésiter. Un son pour ceux qui savent, ceux qui davent lèvent leur briquet. Donc passe-moi le feu. Passe-moi les masses, passe la ya et la bœuf, faut que je sois un bien qu'on crame ça. Pour ceux qui se mettent tchad sans hésiter. Un son pour ceux qui savent, ceux qui davent lèvent leur briquet.